La réunion élargie de la troisième session du 6e comité central de l'Union socialiste des femmes de Corée s'est déroulée le 1er février à Pyongyang. Y ont participé les membres titulaires et suppléants, ainsi que les permanentes du comité central de l'Union. Les participantes ont discuté des problèmes pour l'application parfaite des tâches militantes précisées par le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de nouvel an. Il y a eu le rapport et les interventions. La réunion a traité le problème d'organisation. On a élu Chang Chun-sil, présidente du comité central de l'Union. L'ex-présidente Kim Jong-sun a été rappelée en raison des affaires.